Le représentant de Quraysh négocie avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Peu après la conversion de ces deux éminents héros, Hamza fils d'Abdul Muttalib et Omar fils d'Al-Khattab, radiallahu anhuma, les nuages de la tyrannie et de l'oppression commencèrent à se dissiper et les polythéistes se rendirent compte qu'il était inutile d'infliger des tortures aux musulmans. Ils décidèrent donc d'enrayer la progression de l'islam en tentant matériellement le prophète alayhi salatu wassalam, ignorant que rien dans ce monde ne pouvait égaler la prédication dont il avait la charge ni le distraire de sa mission qui était de porter le message aux humains. C'est pourquoi n'ont-ils récolté le moindre succès et virent leurs desseins réduits à néant. Un jour, nous dit Ibn Ishaq, quelques notables mécois se réunirent dans le sanctuaire sacré, et Utba, fils de Rabi'a, se proposa pour aller rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam afin d'essayer de conclure le marché suivant avec lui. Les mécois lui donneraient toutes les richesses qu'il désire en échange de l'arrêt de son activité missionnaire et de son silence. Les autres notables approuvèrent cette proposition et c'est ainsi que Utba partit trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui déclarer « Ô fils de mon frère, tu n'es pas sans connaître la place honorifique dont tu jouis parmi les tiens ainsi que la noblesse de ton lignage. Or tu as apporté ce qui a engendré la dissension au sein de leur groupe. Tu as déclaré insensé leur mode de vie, outragé leur divinité et leur religion, tu as traité d'impies leurs ancêtres. Je m'en vais donc te faire des propositions, peut-être trouveras-tu dans l'une d'elles satisfaction. » L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Parle, ô Abul Walid, je t'écoute. » Il dit « Ô fils de mon frère, si tu as fait tout cela en recherchant la richesse, nous te donnerons de nos biens jusqu'à devenir le plus riche d'entre nous. Si c'est aux honneurs que tu aspires, nous ferons de toi notre chef. Jamais nous ne prendrons de décision sans ton accord. Si tu désires devenir roi, nous t'offrirons la royauté. Si tu es sous le pouvoir d'un mauvais génie qui de toute évidence te hante et te domine si bien que tu ne peux secouer son joug, alors nous ferons venir des médecins qualifiés pour te soigner. » Lorsque Utba eut énuméré ses propositions, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit « As-tu fini, ô Abul Walid ?» En apprenant que tout venait d'être dit, il se mit à réciter les versets suivants. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran arabe pour des gens qui savent. Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Sourate 41, versets 1 à 5 selon le sens des versets. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, continua à réciter la sourate, tandis que Utba était assis et qu'il écoutait attentivement, les mains derrière le dos en guise d'appui. Quand le messager, alayhi salatu wa sallam, atteignit le verset à la lecture duquel il faut se prosterner, il se prosterna immédiatement. Après cela, il se tourna vers Utba en disant « Eh bien, Abul Walid, tu viens d'entendre ma réponse, tu es maintenant libre de faire ce que bon te semble. » Utba retourna auprès de ses amis pour les informer de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ceux-ci l'aperçurent, ils jurèrent qu'il était dans un état différent depuis sa rencontre avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il leur fit immédiatement part du discours qu'il avait prononcé, il répéta la réponse qu'il avait reçue du prophète alayhi salatu wa sallam et il ajouta ceci. « Je n'ai jamais entendu de paroles semblables à celles qu'il a récitées. Je suis complètement convaincu à présent qu'il ne s'agit ni de poésie, ni de sorcellerie, ni de la prose rythmée des devins. Ô gens de Quraysh, je vous demande de suivre mon conseil et de laisser cet homme libre de continuer sa prédication. Ainsi vous pourrez vous tenir à l'écart de lui sans risque pour vous. Je jure que ses paroles auront un grand avenir. Si les autres Arabes vous débarrassent de lui, alors ils vous épargneront des troubles. Et si au contraire il parvient à dominer tous les Arabes, alors vous profiterez de sa future position de roi, vous partagerez sa puissance et vous serez les plus heureux des hommes. » Les notables lui dirent « Par Dieu, il t'a ensorcelé par la beauté de son langage !» Il leur répliqua « C'est là mon opinion, faites donc ce que vous voulez. » Une version du même événement relate que Utba écouta attentivement le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que celui-ci récite le verset suivant. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Thamoud. Sourate 41, verset 13, selon le sens du verset. À ce moment précis, Utba se leva, paniqué et abasourdi, et il mit la main sur la bouche du prophète alayhi salatu wassalam en le suppliant de la façon suivante. « Je te demande solennellement, au nom de Dieu et au nom des liens familiaux, de te taire. » Il avait en effet peur que la calamité en question ne s'abatte sur le peuple de Quraysh. Il revint ensuite en toute hâte auprès de ses compatriotes et les informa de ce qu'il avait entendu.